Voici votre bulletin régional. Le 30 janvier à 19h, dans le cadre du carnaval d'Ascot Corner, au centre multifonctionnel, se tient une soirée dansante pour tous les enfants de niveau primaire. Entrée 2$. Les enfants de maternelle, première et deuxième année, doivent être accompagnés d'un adulte. L'activité se termine à 22h. À 20h, toujours dans le cadre du carnaval d'Ascot Corner, les personnalités féminines de la municipalité se disputent un match de hockey amical. Vente de surplus d'inventaire au profit de l'église Saint-Louis de East Angus, le 30 janvier, de 9 à 16 heures, au 166 rue Saint-Jean-Est, sous-sol du presbytère. Vente de sacs, remplissez un sac d'épicerie pour 5$. Décorations, chandeliers, vaisselle, articles de cuisine, verres, tasses, chaudrons, tissus et plus. Literie, deuxième article gratuit. Prix réduit sur gros articles. Les profits serviront à la restauration de l'église. Information André Nadeau et Marie-Aubin Roy. Le carnaval de Saint-Isidore de Clifton s'enclenche le 30 janvier. À l'horaire, hockey bottine dès 19h. Inscription, $60 par équipe. Lieu, à la patinoire, 64 chemin Oakland. 10 joueurs par équipe, autant masculin que féminin. Possibilité de plusieurs classes selon le nombre d'équipes inscrites. Pour information, Simon Ruel ou Luc-Hervé Blouin. Également à 19h, randonnée des raquettes au flambeau avec Jérémy Bilodeau, selon la température. Lieu de départ à la patinoire. Aussi à 19h, à la salle des loisirs, musique country avec les meilleurs succès. Ailes de poulet, bâtonnets de mozzarella, chips grecs. À Ascot Corner le 31 janvier, à 11h30, partie de soccer amical pour adultes sur le petit terrain de soccer du parc Pomerlo. C'est gratuit. À 13h, initiation gratuite au hockey par les entraîneurs de l'équipe des recrues d'Ascot Corner aux enfants de 3 à 12 ans. À 15h, la finale de hockey opposera les champions des vieux renards aux champions des jeunes loups pour l'obtention du trophée Aurélien Rivard. 17h, compte pour enfants au bord du feu au parc Pomerlo. À 20h, c'est à la salle de Jean Hardy du centre multifonctionnel qu'a lieu la super boom des ados de la municipalité d'Ascot Corner. Plus de détails sur la page Facebook des loisirs d'Ascot Corner. Dès le samedi 31 janvier, débuteront les ateliers rigolos à la salle communautaire de l'hôtel de ville de Newport, 1452 route 212 à Allenbrook, avec Clown Dia. Le dernier samedi du mois, de janvier à juin, des ateliers de motricité globale pour les tout-petits de 0 à 6 ans seront offerts gratuitement entre 11h et midi. Rigolo bricolo facile et thématiques seront suivis de bougeottes, jeux, rondes, exercices de gym, danse, rire, mime et beaucoup de plaisir sont au menu. Ateliers parents-enfants. De 13h à 14h, un club de rire ouvert à tous pour expérimenter le yoga du rire en groupe afin de découvrir les nombreux et merveilleux bienfaits du rire sur la santé. Atelier gratuit, don du cœur accepté. Info, lapaixparlerire@gmail.com. Dans le cadre du carnaval de Saint-Isidore de Clifton, à l'horaire pour le 31 janvier, 10h, finale du hockey bottine à la patinoire. 13h, après-midi pour enfants à la salle des loisirs avec surprise et tirage. Peinture de neige, parachute, chat et souris, etc. 21h, soirée dansante. 5$ l'entrée. Pour vous recevoir, Louis-Daniel Blouin, avec la musique de DJ Anthony Marcoux, avec prix de présence en soirée. En février, à la galerie Le Harfang de Weedon, on présente les œuvres de Hugues Soucy, sculpteur. Le 1er février, à 13h, un gala folklorique est présenté au Centre communautaire de Saint-Gérard. À 9h, le 1er février, les chevaliers de Colomb d'Ascot Corner vous attendent à la salle Aurélien Rivard du Centre multifonctionnel pour le brunch au profit des loisirs d'Ascot Corner. Activité dans le cadre du carnaval d'Ascot Corner. À 9h30, messe animée à l'église Saint-Stanislas. 13h, invitation pour tous à un bingo à la salle Jean Hardy du Centre multifonctionnel. Dans le cadre du carnaval de Saint-Isidore de Clifton, le 1er février, de 10 à 12h30, brunch. $12 par personne. Vers 13 heures, Bingo, qui sera animé par Sylvain Dodier.